Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Déjà 2011, à puissance maximale, on vous souhaite une très bonne année, une année de jeu. Et ça sera une année extrêmement remplie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu avec les jeux dont on va vous parler. Peut-être que François également, qui était à la console aujourd'hui. Salut François. Salut Vincent. Tu vas-tu nous parler de 2011? Oui, je vais vous parler du futur. J'ai un peu d'actualité là sur ce qui s'est passé dernièrement. Excellent. Et on a également Andrew Castegan qui est avec nous à l'émission aujourd'hui. Salut Andrew. Salut Vincent. Andrew, tu vas nous parler de ton téléphone portable aujourd'hui. Oui, ben en particulier. Fait, plus particulièrement du système qui roule dessus. Oui, c'est ça. Mais... Android, qui est le grand compétiteur de iPod au niveau du iOS et d'un petit jeu que j'ai eu l'occasion d'essayer dessus qui a gagné le titre jeu de portable de l'année par G4Tech TV pour l'année 2010. Donc, quelque chose à ne pas manquer. Donc, beaucoup, beaucoup de contenu aujourd'hui à l'émission. Oui, donc on commence en musique. Bon, on peut y aller en musique. Le temps, juste avant de vous rappeler que ben, Puissance Maximale, bien sûr, on est en 2011, ça a commencé même en 97 à la radio, mais bien avant ça, c'est également, en plus de l'émission de radio, un site Internet sur lequel vous avez des nouvelles, donc le www.puissancemaximale.com. Et vous avez, bon, des nouvelles, bien sûr, vous pouvez télécharger les émissions de nouveau si ça vous tente de les réécouter. Et également nos courriels pour nous envoyer, parce qu'on en reçoit quand même à toutes les semaines. Et ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer avec une pièce de Mister Valère. C'est la pièce qui avait été choisie là, lors du bivouac urbain. La pièce s'intitule Dan Dan. C'était une pièce qui avait été choisie là, pour... c'était le thème, en fait, du bivouac urbain de l'année 2010. Vous êtes à puissance maximale. We'll be right back. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Comme le disait Madame Folle, c'est Puissance Maximale sur les ondes de CKIA, ou peut-être que vous prenez notre émission en rediffusion sur différentes radios communautaires au Canada, dont Radio Taïga, Radio Anticosti, et également nos amis, nos cousins français nous écoutent sur Abandonnoir France et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, sur notre site internet où vous pouvez télécharger nos émissions. www.puissancemaximale.com. On a également un contact Facebook. Ben oui, on a une page Facebook. Il suffit simplement de taper Puissance Maximale dans l'engin de recherche de Facebook et puis magie, vous allez devenir... vous allez cliquer sur like, vous aimez cette page-là, et puis voilà, vous allez avoir des nouvelles périodiquement sur Puissance Maximale. C'est certain que vous allez l'aimer. Et également, on peut même chatter avec toi présentement sur Facebook en ajoutant François G. Couillard sur votre liste d'amis Facebook. Et François est là pour un chat live. Vous avez des idées, vous avez des choses à nous dire, à nous raconter, vous le faites. Et même peut-être lui téléphoner si jamais vous trouvez le numéro de téléphone de CKIA. D'ailleurs, on envoie nos salutations à Luc qui est en train justement de parler avec moi sur Facebook. Excellent. Salut Luc. Et on passe à Andrew Castegan qui va nous parler de son nouveau téléphone cellulaire et de cette plateforme qu'on appelle Android. Oui, bien en fait, les téléphones intelligents devenant de plus en plus populaires de nos jours, du fait que les réseaux sociaux comme Facebook sont de plus en plus populaires, fallait s'attendre à ce qu'une guerre des téléphones intelligents commence, et faut pas se tromper, on a les BlackBerry qui sont très populaires au niveau des entreprises, nous avons le fameux iPhone de Apple que tout le monde en parle, et que les magasins n'ont plus parce que là, il y a des listes d'attente. Et puis le monde, il pense que c'est la seule et unique opportunité qu'on a pour avoir un téléphone intelligent qui fonctionne sur le sens du monde. En fait, c'est à cause qu'iPod, les iPod Touch et les derniers iPod Q, c'est qu'on peut quasiment tout faire avec ces lecteurs MP3-là, et ils sont devenus très populaires et ont fait leur entrée sur le marché avec ça. Et donc, Apple ne sont pas cassés la tête, ils ont pris l'iPod Touch, qui est un de leurs iPods les plus populaires, oui. Puis ils ont tout simplement mis une fonction de téléphone dedans, et voici l'iPhone. Donc, il y a beaucoup de monde qui croit que le téléphone qui peut offrir le plus de commodité, parce qu'on se le cachera pas, si on compare un BlackBerry versus un Apple, un iPod, c'est pas pareil du tout. Là, on a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec l'iPhone qu'on peut faire avec le BlackBerry. Mais côté business, est-ce que c'est pas le BlackBerry qui est... Il est plus sécuritaire. Plus... Il y a un système de mots de passe, là, que si on fait trop souvent le mauvais mot de passe, il wipe carrément là, toutes les données que sur le BlackBerry. Là, c'est quand même très sécuritaire. Puis en même temps, marche avec un système de courriel central que les entreprises peuvent se monter. C'est sûr que pour une entreprise, l'idéal, c'est vraiment le BlackBerry. Mais là, tu vas annoncer aux gens qui écoutent Puissance Maximale, à nos auditeurs, que iPod Phone, c'est pas le iPhone tout simplement, ce n'est pas la seule option qu'on a. C'est ça. Pour monsieur et madame tout le monde, Google a décidé de développer une base pour les téléphones intelligents pour venir en confrontation directe avec le iOS, qui est le système des iPods, qui est le système Android. Moi, personnellement, dernièrement, la semaine dernière à peu près, je me suis grillé d'un téléphone qui a le système Android. Et je vous dirais, informaticien comme je suis personnellement en amour avec Android. Je vous dirais, j'ai travaillé un peu avec les iPods, du fait que ma blonde a eu un iPod, donc j'ai eu l'occasion de taponner dessus, et mon père a le fameux iPad, donc t'as joué un peu avec ce qu'Apple pouvait te proposer. Exactement, mais déjà, juste un départ, qu'est-ce que je déteste au plus haut point avec les iPods, c'est iTunes. Je déteste le système de synchronisation de iTunes. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'en cochant une case que je pensais qu'il fallait cocher, j'ai totalement supprimé ce qu'il y avait sur l'iPod, des éléments comme ça. Android n'a pas de restrictions au niveau du logiciel. Mettons l'exemple qu'on a avec Samsung, c'est le logiciel que Samsung a sorti, qui est le Samsung Key, qui est tout simplement, on choisit les fichiers MP3, les fichiers vidéo, on les transfère dans un dossier dans le téléphone. Donc, chaque compagnie s'est adaptée à la plateforme Android, c'est exactement bien ça? Donc, tu sais, généralement, autant avec les compagnies HTC, qui est une autre compagnie qui fait des téléphones Android, et Samsung, c'est beaucoup du « je glisse un fichier dans un dossier qui s'appelle Media », donc je mets tout qu'est-ce qu'il y a de musique, de vidéo là-dedans, et le téléphone va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et il va l'offrir en lecture. Donc, pas de cassage de tête en passant avec un logiciel tierce de synchronisation ou quoi que ce soit pour les fichiers vidéo et audio. Il y en a un fichier de synchronisation, mais il ne s'occupe que des fichiers Word, des contacts et des favoris au niveau du navigateur Internet. Donc, moi, ça, personnellement, je trouve ça génial à ce niveau-là. D'accord. Présente-nous un peu l'interface de Android. Là. J'imagine que ça s'apparente un peu à ce qu'on connaît de l'interface du iPod. Oui, mais en fait, c'est quand même très semblable. La seule différence, dans le fond, qu'Android a avec le Apple, c'est que les iPods, on peut mettre des icônes d'applications, dans le fond, là, qu'on a sur différentes pages. Oui. Tandis que Android, on a aussi des widgets qui sont un peu comme les gadgets qu'on a sur Windows Vista et Windows 7. Donc, on peut faire apparaître, dans le fond, une fenêtre nous disant notre quota. Mettons qu'on a un forfait de transfert de données de 250 MB ou 500 MB avec notre fournisseur de téléphonie. On peut faire apparaître une petite fenêtre qui nous calcule comment qu'on est rendu sur notre quota. On peut faire apparaître des boutons d'accès rapide pour l'activation, désactivation des antennes Bluetooth et Wi-Fi et GPS du téléphone. Le gestionnaire du courant de la pile, parce qu'on peut gérer comment que le téléphone utilise l'énergie de sa batterie. On peut même faire apparaître un gestionnaire de tâches sur le téléphone. Par chose à noter, contrairement au iPod, Apple, quand on part une application, aussi longtemps qu'on n'éteint pas le iPod, l'application va rouler. Du moins, une bonne partie va rouler. La mémoire du téléphone ou du iPod va se remplir et peut causer ainsi des ralentissements au niveau de l'appareil. Tandis que Android a un système de gestionnaire de tâches, un peu comme sur les ordinateurs qu'on fait CTRL-ALT-SUPPRIME, et on peut fermer les applications si on trouve que le téléphone est lent. Ça a deux avantages, meilleure performance du téléphone et aussi en même temps l'économie de la pile. Moins que de choses qui roulent sur le téléphone, moins que les performances sont sollicitées, moins que la pile s'use rapidement. Donc, c'est un avantage à ce niveau-là. Et aussi, en même temps, un autre avantage qu'Android a, Google a pris une base Linux pour développer Android. Donc, le système d'exploitation a une obligation d'être ouvert. Donc, n'importe qui veut faire du développement sur Android, Google fournit les outils et, dans le fond, on peut faire du développement et le téléphone est débarré. Donc, si on fait un développement, on peut transférer nos logiciels à nous sur le téléphone sans avoir à passer par le Android Market. Ce qui n'est pas possible avec iPod. Qu'est-ce qui n'est pas possible avec iPod? D'ailleurs, chose que les développeurs reprochent d'ailleurs à Apple parce qu'ils n'ont pas de plateforme ouverte sur leur iPhone. Et il faut passer par un cycle de validation quand même très laborieux. Tandis que Android, le seul moment où on a une validation à faire, c'est si on veut que notre application apparaisse dans le market. Sinon, on peut le distribuer sur Internet comme on veut, sans aucune difficulté. Ah ouais. Dis-moi, Andrew, tu parlais justement du fait que les applications qui roulent, la surutilisation de l'appareil amène justement parfois la batterie à s'épuiser. Est-ce que c'est quelque chose qui dure longtemps? Par exemple, ça doit dépendre justement du type d'appareil que tu as, tout simplement? Oui, en fait, c'est sûr que le téléphone y est pour quelque chose au niveau d'autonomie. Dans le cas de mon téléphone, moi, c'est le Samsung Galaxy S Vibrant. Samsung est reconnu pour avoir des très gros écrans sur leur téléphone avec la technologie LED. Donc, je vous mentirais pas, luminosité très élevée. Moi, ma batterie dure une journée, gros maximum. C'est sûr que certains vont trouver que c'est un avantages, mais moi je le branche à tous les soirs de toute façon. Il y a bien des gens qui font ça aussi. C'est sûr qu'à chez nous, il est branché, fait que c'est pas un problème. La seule chose, c'est sûr que c'est un peu mal commode parce que comme présentement, je suis ici à la radio et présentement, j'ai tout éteint sur le téléphone, j'ai plus de Bluetooth, j'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus de GPS parce que ma batterie est sur le bord de mourir. Donc, je veux qu'il t'offre qu'à temps que je rentre chez nous. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un petit inconvénient, mais en tant que tel, c'est pas tous les téléphones qui sont sur Android qui ont ce problème-là. C'est surtout Samsung à cause de leur écran. Les téléphones HTC ou le Nexus One, qui est le téléphone Google, là, dans le fond, originel, là, sur lequel la plateforme Android a été développée, a une autonomie normale là, d'un téléphone là, qui peut toffer une douzaine d'heures à peu près. Donc, non plus que ça, même en moyenne, peut toffer à peu près 2-3 jours, plus exactement, excusez-moi. Mais c'est correct, une douzaine d'heures et 36 heures. C'est le mien qui dure une douzaine d'heures. Andrew, ça fait une semaine là, que tu travailles un peu avec Android, tout ça. Y a-t-il des applications qui t'ont impressionné? Des choses que tu es allé voir qui ont fait comme hey, c'est intéressant ces choses-là. Ben moi c'est sûr que une des applications, c'est des choses qu'on premièrement faut pas penser qu'Android va réinventer la roue au niveau des applications. Il y a beaucoup des applications qu'il y a sur Android actuellement qu'on retrouve sur le Apple Store. Mais des applications que j'ai essayé que j'ai trouvé le fun, il y a l'application Shazam. qui est une application que certaines personnes peuvent connaître. Mettons exemple qu'on écoute la radio ou quoi que ce soit, puis qu'il y a une toune qui passe, mais on n'a pas entendu le nom. Puis on l'aime bien, puis on se dit « Ah, j'aimerais ça savoir c'est quoi cette toune-là. » On active l'application Shazam, on y fait écouter la chanson, il va nous sortir exactement l'album, le groupe, et on peut même l'acheter, la chanson, directement avec l'application. Quand même, qu'est-ce qui est très bien, je l'ai testé avec une chanson de Richard Cheese, justement, là, que j'avais déjà fait jouer ici, qui est un petit peu plus underground. Je me disais, ah, si Shazam est capable de détecter ça, ben, c'est que c'est performant, et il l'a détecté. Il m'a même sorti les informations de l'album, la discographie et où l'acheter. Fait que j'ai comme fait, OK, c'est quand même assez impressionnant. J'ai essayé aussi un lecteur de code-barre. Qu'on peut installer. Il utilise la caméra avec une ligne rouge. Il lit les codes barres ou les fameux QR codes qui sont les genres de codes carrés qui permettent d'aller plus rapidement sur Internet ou des choses comme ça. Mais au niveau du code barre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, mettons qu'on va dans un magasin puis on a un spécial sur quelque chose, on scanne le code barre puis il nous sort une moyenne de prix de tout ce qu'il a trouvé sur Internet à propos de ce code barre-là. Donc, ça nous permet de savoir justement si l'aubaine est intéressante. Tu valides pas le prix en magasin comme on va faire des fois pour voir s'il est en spécial. Tu fais juste valider si ailleurs, il n'est pas meilleur marché. C'est ça, exactement. C'est intéressant. Ouais, puis aussi, en même temps, on peut carrément placer l'achat devant un compte qu'on trouve un prix plus avantageux sur Internet avec l'application sur le téléphone. Ah. Donc, qu'est-ce qui est quand même très intéressant. Aussi, en même temps, j'ai trouvé un émulateur de Super Nintendo. SNESOID. Aussi, en même temps, les développeurs qui ont fait SNESOID ont fait aussi le Game Boy Advance, le Nintendo et le Genesis. Donc, ceux-là, c'est des émulateurs payants, par contre. Ils mettent payant, c'est pas cher, c'est à peu près 2$. C'est tout simplement, comme ils disent dans la description, ils disent que c'est pour les encourager à développer l'application et régler les bugs. Et ainsi améliorer continuellement et peut-être même faire d'autres applications. Je sais que présentement, ils travaillent sur un émulateur de PlayStation, sur l'Android. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui peut être quand même très intéressant. Là, dans l'émulateur, là, on retrouve plusieurs titres là, inclus. En fait, hein, on va chercher des ROM tout simplement comme n'importe quel. Ah, il faut aller les chercher, OK. Ouais, l'émulateur, c'est seulement payé pour l'émulateur, après ça, on va chercher les ROM. Exactement. Ils ne vendent pas de ROM sur le market, tout simplement pour des questions légales. Oui, tout simplement. Parce que théoriquement, en tant qu'usager d'émulateur, il faut être conscient qu'il faut avoir l'original si on veut être légal au niveau de l'utilisation du ROM. Oui. Donc, si vous ne le saviez pas, je viens de vous l'apprendre. sinon, en tant que tel, je vous dirais qu'il y a quand même une variété de jeux intéressants aussi. On retrouve les développeurs EA, Eidos. Il y a Namco aussi avec les Pac-Man qui ont fait le Pac-Man Championship Edition sur le Android Store. Quand même très intéressant. Mais d'ailleurs, je vais parler justement du jeu que j'ai eu l'occasion d'essayer. On va faire ça dans quelques instants. On va aller en pause musicale, puis on va parler. On revient avec toi, Andrew, justement, pour parler du jeu. Parfait. Puis terminer un peu sur la plateforme dont tu nous parlais. Aucun problème. Android, pas mal intéressant, ça. En tout cas, si vous cherchez justement une bonne plateforme, là, je pense que c'est lui qu'il vous faut. Alors, on va écouter maintenant une pièce, parce que oui, Puissance Maximale, c'est aussi de la musique. Une pièce tirée de l'album Encore la mort. De quoi? De Lesbo Vrouven. Lesbo Vrouven, c'est qui? C'est Sam Murdoch, un ami, un musicien, un éditeur de la région de Québec. Ça lui est même arrivé déjà de venir à Puissance Maximale. C'est un gros, gros amateur de jeux vidéo. Et puis donc, Sam Murdoch, ça lui arrive comme ça des fois de faire des cadeaux. Et pour le temps des fêtes, il a offert quelques-uns de ses albums gratuitement à télécharger, dont celui Encore la mort. Et on y retrouve dessus la pièce The Arcade. Alors, vous êtes à Puissance Maximale. We'll be right back. John Jones aussi écoute Puissance Maximale. De retour en onde, et c'est Andrew qui continue sa chronique technologique avec ce fameux Android. Et tu vas nous parler d'un jeu ou d'une application qui était sur Android? Oui, en fait, j'ai eu un flash pendant la chanson aussi. Je trouve ça intéressant à noter au niveau des applications parce que tu m'avais posé la question tantôt. Oui. Il y a Winamp aussi qui est disponible sur les téléphones Android. Mais un Winamp complet, donc on a la possibilité de faire ce playlist, aller regarder les shoutcasts qui sont les radios web, ainsi que tout ce qui est MP3 dans le fond. Là, non, la version Winamp là, qu'on connaît, là, la nouvelle version là, avec tout ça, là, exactement. C'est disponible. Juste avant de passer justement à ton application, ton jeu, quelques questions de plus. Au niveau des applications, là, est-ce qu'on s'entend que ça vaut quoi, du 99 cents à 5$, des choses comme ça? Le plus cher que j'ai vu, c'est 5$. Donc c'est quand même accessible et abordable pour. Oui, puis il y a des applications très intéressantes. Comme exemple, j'ai downloadé une version démo là, de Dolphin, qui est dans le fond Firefox adapté à Android. Si on veut vraiment la version, ben en fait, il est complètement fonctionnel, mais dans le fond, il y a une version payante qui offre des petites fonctionnalités de plus. Dans le fond, là, qu'on une fonction de navigation avec les onglets, là, dans le fond, là, comme on a dans le Firefox oui. standard. Là. Dans le fond, c'est un 99 cents ou 1,25, une affaire comme ça. Là, puis comme ça permet de débloquer là, le navigateur. Là. Y a-tu quelque chose qui t'a pas impressionné, que t'as moins aimé? Parce que là, t'es tellement impressionné, t'en parlais en début de chronique là, avec justement Android, je suis en amour avec Android et tout ça. Y a-tu quelque chose vraiment qui t'a déçu? De cette plateforme-là? La seule chose qui m'a déçu, c'est les applications audio et vidéo de base qui viennent avec dans le fond, Android. C'est pas majeur. Application audio, tu veux dire? Mais le lecteur de musique. Okay. Comme exemple, on met Winamp. Winamp marche numéro 1, mais l'application de musique de base dans Android, ça y arrive des fois qu'il y a des ratés à cause de, mettons, qu'il y a un codec audio qui prend pas bien ou quelque chose comme ça. Le vidéo, j'ai pas eu de problème en tant que tel. Ça fonctionne avec Flash, les vidéos? Non, les vidéos, c'est des MP4. OK, oui. Le convertisseur vient à même le logiciel de transfert de vidéo. Donc, dans le fond, il transfère n'importe quoi, que ce soit du MKV, du OGM. Il fait la conversion complète. Là. Possibilité de mettre des sous-titres aussi au niveau des vidéos, là, quand tu as la piste sous-titre là, de disponible, faire la fusion, tout le kit. C'est quand même très intéressant. Mais je dirais non, le vidéo il est correct en tant que tel, c'est vraiment l'audio. Le lecteur audio de base, là, il m'a déçu à ce niveau-là, mais il y a Winamp pour faire le palliatif et il est gratuit. Fait que c'est pas... C'est bien, continuons donc avec ce dont tu veux nous parler maintenant. Oui, bien en fait, j'ai essayé un jeu très intéressant au niveau là, du Android, disponible aussi en même temps sur le App Store au niveau des iPods, si vous êtes propriétaire de ces petites machines. Tout ça pour dire que, dans le fond, c'est le jeu qui a été la surprise de l'année d'après G4 Tech TV, qui est une chaîne là, qu'on a déjà citée ici, là, qui fait des revues technologiques et de jeux vidéo. Surprise de l'année sur un téléphone portable, sur les jeux... Console portable confondue, que ce soit du Nintendo DS, du PSP, les iPod ou l'Android. Il y a eu une lutte chaude avec God of War, Ghost of Sparta, le dernier qui a sorti sur le PSP. Il était ex aequo jusqu'au dernier vote du dernier animateur de l'émission Reviews on the Run. Le jeu a réussi à battre God of War sur PSP. Je suis resté moi-même très surpris. Le jeu s'appelle Game Dev Story. Disponible uniquement sur les téléphones Android ou les iPhone, iPad et compagnie. En fait, le jeu, c'est rien de bien compliqué. C'est un jeu un peu à la type Tycoon. Donc, dans le fond, on se retrouve à gérer une compagnie de jeux vidéo, un peu comme Ubisoft ou EA Games ou quoi que ce soit. Et dans le fond, on commence à la petite échelle où on fait des contrats pour des plus gros studios ou des compagnies de cinéma où on fait des animations, de la musique. On engage notre personnel. Après ça, il faut entraîner notre personnel pour qu'ils deviennent meilleurs, leur donner des promotions, des choses comme ça, et ainsi grossir les coffres de la compagnie pour être capable de faire du développement de jeux. Et les jeux qu'on développe, on peut pas les customiser en tant que tel. On peut pas dire « Ah, je veux faire un... Je veux que ça soit un Pac-Man avec un chat. » Il y a certains facteurs de customisation, mais t'es pas à ce niveau-là. Dans le fond, quand on développe un jeu, on décide le type de jeu qu'on veut. Est-ce que c'est un simulateur, un RPG, un online? C'est quoi le thème? Est-ce que c'est des ninjas? Est-ce que c'est des samouraïs ou quoi que ce soit? On donne des choix. Oui, on donne des choix. On décide après ça le budget. Est-ce qu'on veut que notre équipe travaille rapidement? C'est pas grave s'il y a des bugs. On veut sortir un jeu vite. Ou est-ce qu'on prend notre temps pour que ça soit de qualité, moins de bugs, des choses comme ça, ou un jeu budget où c'est juste c'est rapide et que c'est de qualité, et toutes des choses comme ça. Puis en même temps, je vous dirais qu'on peut même développer de la console de jeu sur ce jeu, sur ce jeu-là. Donc, admettons qu'on a assez d'argent, quoi que ce soit, qu'on veut se lancer dans la guerre des consoles, on peut commencer à faire du développement. Les avantages que ça a, c'est une rentabilité continue. Dans le fond, la console, elle va toujours ramener de l'argent, contrairement au jeu, à un moment donné, qu'on enlève des tablettes. Et en plus, ça fait une plateforme de développement qui coûte pas cher. Ou ça, en même temps, chose qui est très intéressante, et c'est qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont gagné à G4 Tech. C'est un peu un récapitulatif de toutes les gammes de consoles qu'on a eues depuis le Nintendo Entertainment System. Ils portent pas ce nom-là. Ils ont changé les noms, un peu comme par exemple Nintendo, c'est Nintendo. Et la Wii ne s'appelle pas la Wii, mais la Whoops. Pour faire un petit clin d'œil au problème des télécommandes qu'il y avait eu au début. Ben ouais, c'est ça. Sega, c'est Senga. La Game Boy, c'est la Game Kid. Et vraiment, les évolutions d'année en année avec les générations de consoles, ils font vraiment une référence à tout ce qui s'est passé, comme à un moment donné, la avec fameuse... l'histoire du jeu vidéo. Hein. Oui, comme exemple, la Virtual Boy. T'sais, on sait que ça a été un des gros flops que Nintendo avait fait au niveau des consoles portables. Ben, dans le fond, ils font référence à ça. Ils sortent la Virtual Kid et la fille, la secrétaire, dans le fond, qui nous annonce les sorties de console, elle dit... Je suis pas convaincu que cette console-là, elle va bien se vendre. Puis... C'est la secrétaire qu'elle dit. C'est Game Dev Story. Game Dev Story. Donc, c'est un jeu qui est pas très très cher, je vous dirais, qui est, si je me rappelle pas, moi je l'ai acheté à peu près 1$ parce que c'était en spécial sur le market à cause du après le solde des fêtes. Je crois qu'il est 4$ le jeu. Je vous dirais, si vous aimez les petits jeux à la Tycoon, vraiment gestion d'entreprise et ces éléments-là, c'est vraiment un must. J'ai été surpris. Ceux qui n'ont pas joué Tycoon, mais qui ont joué, par exemple, les jeux de gestion de ville, comme les SimCity et tout ça, est-ce qu'on peut dire que ça se ressemble un peu? Je veux dire, il y a du développement, tout ça. Tu comprends un peu ce que je veux dire, là. Il y a quand même de la gestion dans SimCity, là, qui est... Oui, bien, en fait, ça cause qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut vraiment gérer le personnel. Dans le fond, on engage nos employés en fonction de leurs compétences. Dans le fond, par la suite, chacun de nos employés, on peut décider de leur faire faire des formations particulières parce que, quand on dit, mon programmeur, il y a une lacune au niveau du graphique. J'aimerais ça qu'il soit capable de dépanner en cas là, de graphisme. Dans le fond, je veux y faire suivre des cours là, pour qu'il devienne meilleur. Mais, tu sais, on peut l'envoyer en entraînement pour augmenter ces statistiques-là. Et dans le fond aussi, quelque chose qui est le fun, c'est qu'il y a aussi un système de boost. Des fois, quand on fait un développement de jeu, on engage du monde. On peut soit utiliser nos employés pour dire « Ah, c'est toi qui vas me faire mon script de jeu », des choses comme ça, mais on peut engager des gens extérieurs pour des montants, à cause qu'ils sont mieux entraînés, des choses comme ça. Oui. Mais des fois, on peut arriver, on dit « Ah, je vais prendre telle personne parce qu'il est bon en des dessins pour enfants, puis c'est une affaire de ninja, on pense faire un bon move », mais le gars, il dit « je connais pas ce genre-là, fait qu'il fait un score vraiment pas bon. » Ben, t'es en graphique, admettons, ben, il peut avoir un de tes employés qui peut arriver, puis dire « Hey, je serais tenté d'essayer de booster ça, les graphiques. » Mais on peut lui échanger des points de recherche qui sont des genres de disquettes qu'on économise à force de faire des contrats puis des jeux, des choses comme ça. Mais on peut utiliser ça pour justement essayer de donner un boost. Mais ça peut marcher à l'inverse. Si on rate notre coup, ben on met des bugs dans le jeu. Ça retarde les sorties du jeu parce qu'il faut justement déboguer ces jeux-là. Mais il y a plein de variantes aussi. Il y a des événements aléatoires aussi. Des fois, il peut y avoir des pannes de courant qui font en sorte dans le développement, qui font en sorte qu'on perd des points dans le développement du jeu parce que là, on a perdu des données. Les serveurs ont lâché, ou encore une autre compagnie ont sorti un jeu identique il n'y a pas longtemps. Il y a les Game Dex qui sont comme un peu les E3. Donc, il faut engager du monde pour aller là-bas pour faire la promotion du jeu. On peut acheter de la pub pour faire valoir la compagnie pour que ça augmente les. Quand même, c'est complexe. Là. Oh, ben c'est pas complexe à jouer, mais c'est complet. Est-ce qu'on peut têter des subventions? Non, il n'y a pas de tétale de subvention. On va en parler tantôt dans l'actualité. tu es laissé à toi-même. Tu as un petit fonds de sécurité que le personnage dit « Ah, j'aimerais mieux pas toucher à ça. » Mais si tu es dans la faillite, le gouvernement ne vient pas t'aider dans ce jeu-là. Tu fais faillite. C'est pas fidèle à la réalité. Donc, je vous dirais Game Dev Story, disponible de App Store, Android Market pour les gens qui ont des merveilleux téléphones Android. Et aussi, en même temps, veuillez noter que le jeu est uniquement en anglais, même si votre iPod ou votre téléphone est en français, le jeu reste en anglais uniquement. Et merci beaucoup, Andrew, d'être passé à l'émission. Et tu resteras avec nous pour faire quelques commentaires sur la chronique de mes 10 attentes pour 2011. Andrew qui nous parlait de Game Dev Story. Game Dev Story. Un jeu qui a l'air pas mal intéressant. Sinon, ben, on va écouter une pièce musicale de Bernard Adamus, qui est en fait la nouvelle coqueluche là, de la musique indépendante, musique autoproduite, musique émergente du Québec. La pièce s'appelle « Trois petits points de toilette ». En fait, je ne sais pas pourquoi c'est censuré, probablement, en tout cas, que le titre devrait être « Bol de toilette », tout simplement. Vous êtes à puissance maximale. Nous sommes de retour sur les ondes de CKIA et c'est maintenant le temps de parler des 10 jeux les plus attendus de la part de celui qui parle au micro. Ça ne veut pas dire que ça va être les 10 jeux les plus attendus de ceux qui répliquent au micro autour de la table ici. Ah non, je suis certain que ça va être pas mal intéressant à t'aller. Mais en tout cas, ben moi je regardais ça un peu puis j'ai fait pas mal de recherches. Puis je m'attends, comme on parlait justement hors d'onde tout à l'heure, on disait que 2010 avait quand même été assez impressionnant en sortie de jeu, en retour de vieilles franchises. Donc c'est quand même intéressant. Je vous ai sorti une dizaine de jeux à laquelle... Ben, que j'ai bien hâte de voir, que j'ai bien hâte de jouer. C'est certain que je ne fais pas un retour nécessairement avec des franchises qui existent. On va pouvoir les nommer après, les franchises qui vont arriver à leur deuxième numéro, à leur troisième numéro cette année. Je vais pouvoir les nommer tout à l'heure et Andrew pourra en parler également. Sauf que c'est le fun également de regarder ce qui s'en vient, ce qui va être nouveau, ou ce qui a peut-être été basé sur d'autres choses. Puis là, je vous dis que la liste, il y en a des choses qui ont déjà existé là avant aussi. Mais il y a quand même une petite base de jeux auxquels je m'attends. Et je les ai mis en ordre chronologique, pas vraiment en ordre de mon numéro 10 jusqu'au numéro 1. Malgré que mon numéro 1, je vais vous le dire quand il arrivera, là, c'est quoi que j'attends vraiment. Puis on va s'en parler. Bien, dès demain, et je vais aller faire un tour pour aller l'acheter sûrement, à moins qu'on le reçoive, il y a Hudson Games qui sort sur la Wii, Lost in Shadow. C'est quoi ça? C'est un petit platformer qui a des allures... bien sûr, le personnage principal, c'est une ombre qui se promène. Et on doit réaliser, on doit défaire des puzzles, être capable de se faufiler, attaquer des ennemis en tant qu'ombre. Et ce qui est intéressant en jeu-là, c'est qu'il y a une réalité qui est à 90 degrés. On peut changer notre perspective du jeu. Okay. Un peu comme le faisait Paper Mario sur la Wii, où on allait chercher un 90 degrés différent. Bien, il y a des choses comme ça dans ce jeu-là. Ce qui en fait, selon moi, un jeu quand même assez intéressant. Graphiquement, c'est quand même bien pour la Wii, de ce que j'ai vu. Et moi, c'est certain que je vais aller voir ça. Je vais aller me le procurer pour vous en parler bientôt. Lost in Shadow, c'est dès demain en boutique, peu importe la boutique à laquelle vous voulez aller. Ça fait toujours du bien aussi des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Je dirais que depuis quelque temps, j'en remarque aussi que quelque chose qui revient à la mode un peu, c'est justement les plateformes oui. puzzle. Oui. Limbo en est un exemple. Il a eu un franc succès. Puis ça reste un plateformeur bien standard avec des puzzles pour être capable d'avancer. Ça redevient à la mode. Ces autant les joueurs ont trippé dans le 3 dimensions, dans la profondeur des jeux, autant quand on revient à du 2D. Il me semble que quand on a connu ça au départ, là, je pense que c'est vraiment ça fait la base du bien. De tout. Oui, ça fait un petit velours. Et pour le prochain titre, on va en mars 2011. Non pas qu'en février, il n'y aura pas des bons titres intéressants, mais c'est bien sûr ce que moi, j'attends, mais vous pouvez toujours en parler si vous le savez. Il y aura Deus Ex Human Revolution, qui est fait par Eidos Montréal. Oh, qui a été... Oui. Que Eidos a été acheté par Square Enix aussi. Donc, oui, ça justement. Va ramener une petite twist, là, surtout que j'ai remarqué que depuis que Eidos a été acheté par Square Enix, qui ont tendance, justement, à reprendre les franchises qu'Eidos avait, qui étaient un petit peu essoufflées, puis ils rajoutent un petit quelque chose pour faire en sorte là, que ça renouvelle le plaisir. Bien, ça va être quand même intéressant de voir ça, un jeu d'action d'aventure de science-fiction, là, auquel on utilise les armes bien sûr, un petit peu de furtivité, on se cache, et ça devrait être quand même intéressant comme jeu, graphiquement très beau de ce que j'ai pu voir également. Au mois d'avril maintenant, on s'attend à un jeu que j'ai bien hâte de voir, parce que c'est une compagnie que j'aime malgré tout, Rockstar, qui va nous sortir L.A. Noir, un jeu de détective, d'enquête. Dans les années 40, oui, justement. 40, hein? Et on parle déjà de graphisme, de personnages qui sont les plus beaux que ce que Rockstar nous a montré depuis le début, parce que Rockstar, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont toujours des petits problèmes avec les visages de leurs personnages, les mains. Ça, mais... c'est ça, parce que, bien sûr, leurs jeux sont tellement développés, il y a tellement de choses que il y a toujours des petits problèmes, mais là, on parle vraiment de quelque chose d'assez intéressant, un jeu du style, thriller, détective, enquête. J'avais vu la bande-annonce, je pense qu'il y a une bande-annonce qui est sortie sur Internet. Oui, hein, tous ces jeux-là que je nomme, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ça me semble aussi, j'avais vu le trailer puis j'avais été frappé là-dessus en me disant c'est du Rockstar ça. Ouais, c'est ça, mais moi aussi je suis comme resté impressionné parce que j'ai souvent critiqué les Grand Theft Auto et autres jeux de Rockstar en disant pour avoir un petit peu plus de finition. Le gros point que moi je me demande, c'est la physique. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un moteur physique qui a de l'allure? Moi, c'est un gros point que je reproche à Rockstar. Ah, les chars, ils volent dans Rockstar. Ouais, c'est sûr. Bon. Parce que c'est le gameplay qui est intéressant. C'est un jeu arcade, c'est vraiment arcade. Là. Non, je sais, mais tu sais, il y a des limites à ce qu'un char dérape contre. Je voulais juste dire, juste avant, j'ai oublié de dire que Human Revolution là, de Eidos, là, c'est sur PC, PS3, Xbox 360, et que Elle est Noire, ça va être sur la 360 et la PS3. Donc, on est rendu à trois jeux. Dans le deuxième quart de 2011, on n'a pas encore la date. Pour certains titres, on n'a pas encore de date, mais on s'attend dans le deuxième quart de 2011 d'avoir Star Wars The Old Republic sur PC. Si vous avez aimé ce que BioWare a fait avec The Knights of the Old Republic, premier et deuxième. Bien, seulement les joueurs de PC pour le moment auront la chance de jouer ce jeu de BioWare qui parle... En fait, c'est un MMO. C'est un MMO RPG qui va être vraiment justement un jeu... On fait un petit peu confrontation aux MMO RPG qui sont déjà existants, par exemple comme Lord of the Rings. On prend une concession. On parle de Star Wars, ici le monde de Star Wars qu'on va mettre sur PC. Mais c'est un des premiers aussi que BioWare va faire. Donc, je me demande là... Tu penses que ça pourrait avoir des petits problèmes? Non, ben j'ai hâte de voir le résultat à ce niveau-là, mais aussi en même temps, juste un point, tu savais qu'il y avait eu un MMO qui avait été fait avec Star Wars dans le passé, Star Wars Galaxy. Oui. Es-tu au courant pourquoi ils ont été dans Old Republic? Du tout, non. Parce que dans Star Wars Galaxy, les Jedi, c'était aléatoire. Tu te créais un personnage et tu avais une chance de devenir un Jedi. Fait que le monde, il se créait des personnages tout le temps, juste à temps de tomber sur un Jedi. Fait que ça faisait en sorte que les games n'étaient pas équilibrés puis que le jeu est devenu plate rapidement. Donc, en allant dans Old Republic, ben... Il y avait plein de Jedi à ce moment-là. Fait que, allez-y. Si vous voulez faire un Jedi, faites-en. OK. Excellent. Dans le troisième quart de 2011, on aura le jeu de Bethesda Rage, qui est un jeu de tir moderne, encore dans le post-apocalyptique. On est encore là-dedans. Qui semble quand même intéressant. Si on le compare avec Fallout, ce qu'ils ont fait, ça se ressemble beaucoup graphiquement de ce que j'ai vu, beaucoup de ressemblances, mais ça pourrait être intéressant de voir ça. J'ai hâte de voir comment il va se démarquer justement de Fallout à ce niveau-là. Et au mois de novembre, mon numéro 1, le 11 novembre, c'est une date qui est déjà indiquée à mon calendrier, The Elder Scrolls 5. Skyrim, qui sera enfin, un retour dans le bon vieux temps, hein? Médiéval. Oui, oui, bien sûr. À la... Mais ça reste Oblivion. Dans la série, là. Oh oui, c'est ça. Mais enfin, un retour. Parce que là, ce que Bethesda a fait depuis plusieurs années, justement, c'est qu'ils ont sorti Fallout 3, ils ont sorti Fallout New Vegas. Il me semble que ça prenait une épée à quelque part, ça prenait une hache, ça prenait quelque chose comme ça, puis je l'attendais. Bien, au mois de novembre, enfin, il sortira. Prépare-toi pour voir le moteur graphique. Bethesda, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils travaillent sur un nouveau moteur graphique. Oui, mais pareil, justement, ça va être le premier à sortir là-dessus. Un nouveau moteur complètement nouveau. Oui, ouais, ben c'est Fallout utilisait le moteur graphique de Oblivion. Oui. Puis justement, ils n'ont pas refait de moteur parce qu'ils voulaient consacrer leurs ressources justement pour le prochain Elder Scrolls, malgré le fait qu'ils disaient « Ah non, il n'y aura pas d'Elder Scrolls prochainement, on se concentre à Fallout. » Puis voilà qu'est-ce qu'ils nous sortent. Surtout qu'il y avait quelques images qui avaient commencé à sortir sur Internet, là, des non-officiels. Donc, ce sera disponible sur PC, la 360 et sûrement la PS3. Dans les autres qui arrivent, il m'en reste 4 et il n'y a pas de date précise. On imagine que 2011, ce sera l'année de leur sortie. Diablo 3, ça vous intéresse? Vraiment super intéressant comme jeu, Diablo 3. Je suis sûr qu'ils vont le retarder en 2012. Bien, sûrement. The Last Guardian de Sony. Si vous avez été amateur de Shadow of the Colossus sur la PS2, bien, vous allez vraiment aimer parce que c'est un autre titre de Fumito Uedea. Il y a de l'air très intéressant d'ailleurs. Oui, vraiment, de ce que j'ai vu aussi. The Legend of Zelda, Skyward Sword, qui va sortir sur la Wii. Enfin, ben, il y a eu Twilight Princess qui était sorti. Il devait sortir sur la GameCube, Twilight Princess, avant, et on l'a comme rapidement fait pour le faire jouer sur la Wii avec la Wiimote et tout ça. Ils ont fait un effet miroir. Oui, et bon, ça donnait un résultat quand même bien, mais parfois difficile de jouer. Celui-là va vraiment être conçu pour la Wii. Bien de voir ça. Et un jeu bof, c'est juste pour revenir dans le passé, là. Pourquoi pas Duke Nukem Forever? Juste pour les bonnes vieilles lancées verbales qu'il fait avec des gros mots méchants. Ouais, ça sera pas graphiquement extraordinaire, aussi, mais est-ce qu'on va pouvoir rire un peu? Aussi en même temps, se dire ce vaporware est enfin physiquement c'est une tablette. C'est ça. Et bon, pour Andrew, j'ai mis Mortal Kombat, mais il faisait c'est le 11e, je l'avais pas nommé encore, parce qu'Andrew attend vraiment Mortal Kombat. Ben j'ai très hâte que Mortal Kombat sorte avec Kratos. Oui, et rapidement, là, pour ce qui est des jeux qui sont déjà sortis, on parle du deuxième titre, du troisième titre, là, je vous les nomme rapidement. Vous pouvez vous attendre cette année à voir Batman Arkham City, Call of Duty Modern Warfare 3 peut-être, Crysis 2, Dead Space 2, Dragon Age 2, Forza Motorsport, qui est moins bof. C'est quand même bien, le quatrième. Gears of War 3, sûrement. Killzone 3, Little Big Planet 2 et d'autres. On les passe, là, les Mass Effect, les Infamous, les Uncharted, dont on parlait tantôt, Uncharted le troisième 3. Qui va arriver, et d'autres titres comme ça. Alors, ce seront des titres dont on va parler durant toute cette année 2011 et on va avoir la chance de les tester. J'ai juste un point à rajouter aussi, chose à regarder en 2011. C'est pas vraiment un jeu de pourquoi je le gardais pour la fin. La 3DS aussi, oui. Qui paraîtrait mars ou avril, d'après ce que j'avais vu, avec Kid Icarus, Professor Layton versus Phoenix Wright, qui n'a pas été confirmé en Amérique, mais que le trailer est sur Nintendo America, donc... Ça promet du épique tout plein. Donc, ça, c'est une console à surveiller et c'est sûr que je m'en achète une. Ah, voilà. Andrew aura un 3DS. Donc, le top 11 des jeux et des consoles à attendre pour 2011. Le 11e pour Andrew. Et on y va en musique. On va écouter une pièce encore de Mister Valère de son dernier album. Je pense qu'il est téléchargeable gratuitement sur Internet. La pièce s'appelle Ave Mucho et c'est avec Brandvan 3000. Vous êtes à puissance maximale. My last back, they was looking over, but this crew's still down. See, I was thinking we can work it out. We can pop this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Holding out that no school jeans in. We'll put the love in fantasy. When the beat drops and my beat's locked, that's when we go. When the beat drops and the beat's locked, that's when we go. When the beat drops and my beat's locked, that's when we go. When the beat drops and the beat's locked, that's when we go. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Yeah, candy floss, we got this exhibition ride. Reason for the party to have a drink outside. To take a off the riff and get on that ride. We got these pretty young things that come loose in the slide. For the time that flies, hips that glide. Ice that's thin in the ass, that's why. Late night, a body tired of born off vibration. I'm feeling right in the morning, out of sight without debation. Music got you moving in your club position. Wind in my face, sun on my back. I like a record button on a fresh laid track. I'm cool under pressure, check the playback. Doesn't matter where I'm from, man, it's where I'm at. See my cat in his hat with a dug out of bats. We got the sun shining down, singing tit for tat. And that's that. And that's what? And that's that, yeah. When the beat drops and my beat's locked, that's when we go. Oh, when the beat drops and the beat's locked, that's when we go. Oh, when the beat drops and my beat's locked, that's when we go. Oh, when the beat drops and the beat's locked, that's when we go. Bonjour, ici Philippe Despanières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. C'est maintenant le temps, cette fin d'émission, de faire un peu d'actualité ludique avec François. Donc, l'Activision va peut-être quitter l'Angleterre. Il semblerait, selon le Télégraphe, qui est une publication là, d'Angleterre, que Activision aurait menacé de fermer son entreprise de 600 employés. Ce qui arrive, c'est qu'il y a eu, une décision du gouvernement de l'Angleterre de revenir sur leur décision d'offrir un tax break. Donc, un congé de taxe. Ça, oui. Ils ont décidé de revenir sur cette décision-là à cause des difficultés dans leur budget. Alors, ils voulaient, c'est un peu comme ici, on veut rééquilibrer le budget. Alors, ils ont décidé de revenir sur cette décision-là. Et le chef d'Activision, Bobby Kotick, a dit que cette décision-là avait été une erreur terrible. Et il a dit il y a plusieurs endroits dans le monde qui peuvent encourager l'industrie du jeu vidéo. Il aurait dit ça au Télégraphe. Et donc, bon, apparemment, que peut-être qu'ils vont quitter là, l'Angleterre avec leurs 600 employés. Ça nous fait beaucoup penser à ce qui est arrivé récemment là, à Québec, à Saint-Roch. Il y a des subventions comme ça qui vont arrêter d'être en cours là, en 2011. Oui. Et il y a des entreprises qui ont déjà dit qu'ils ont déjà annoncé qu'elles allaient quitter Saint-Roch. Donc voilà, c'est partout comme ça à travers le monde. Les entreprises privées ne peuvent pas fonctionner sans subvention. Et la source, c'est le Télégraphe via Kotaku. La police d'Angleterre utilise aussi des jeux vidéo pour parler viol. Ah bon? On se souvient, il y a quelques mois, il y a eu un jeu vidéo qui avait fait controverse là, au Japon parce que tu jouais le rôle d'un violeur, carrément. Et là, cette fois-ci, on utilise les jeux vidéo pour lutter contre le viol. Donc, c'est la police de Thames Valley, en Angleterre, encore une fois, qui ont créé une campagne de jeux vidéo où les partisans utilisent des actions dans un scénario qui est similaire à ce qu'on peut rencontrer dans des bars dans des situations qui ressemblent à ce qui peut ressembler à des assauts sexuels. Et le jeu vidéo s'appelle Seal the Deal. Et c'est jouable sur YouTube et Facebook. Donc voilà, Seal the Deal, regardez ça. Évidemment, le jeu, c'est seulement une partie de la campagne. Il y a une autre partie qui implique des confessions véritables de violeurs, des gens qui ont été condamnés pour viol. Et donc, la campagne encourage les jeunes hommes de faire attention à leurs conséquences de leurs actions, surtout quand il y a de l'alcool en jeu. Et on vous invite aussi à faire de même, pourquoi pas. La source, c'était le Oxford May. On utilise aussi des jeux vidéo dans le domaine de la santé. Alors, ça va être utilisé pour identifier les enfants victimes du syndrome d'Orchid. Apparemment que ce serait une sorte de maladie qui influence le stress, la dépression chez les enfants. Alors, cette fois-ci, c'est une université de la Colombie-Britannique qui utilise un jeu frustrant. Il faut que le jeu soit frustrant pour que ça marche. Il y en a plusieurs. Le jeu s'appelle... comment ça s'appelle? Flankerfish. Donc, un jeu spécial. Regardez ça sur Internet. C'est un jeu frustrant. Donc, ils utilisent ce jeu-là pour sentir les changements dans le rythme cardiaque, dans la respiration et d'autres indications de stress chez les enfants victimes du syndrome d'Orchid en Colombie-Britannique. Et donc, ils utilisent ce jeu-là pour essayer d'identifier les différences entre les cerveaux et les gènes des enfants victimes de cette maladie-là. Des enfants qui sont victimes plus souvent de dépression. Et donc, les chercheurs essaient de trouver des façons pour identifier plus facilement ces enfants-là, pour pouvoir identifier plus facilement les enfants victimes de ce syndrome-là. Et jusqu'à maintenant, il y a 200 enfants qui ont été testés avec le jeu Flankerfish, des enfants de 10 ans. Et il y en a 200 autres qui vont être testés d'ici la fin de l'année. Et la source, c'est Game Politics. Donc, les jeux vidéo, vous voyez, ça peut faire toutes sortes de choses. Plein de choses. Et sinon, ben... On est à la fin d'émission. C'est la fin d'émission. Évidemment, Sequoia, vous le savez, est en difficulté financière. Alors, on doit solliciter les gens pour acheter des cartes de membres. C'est une des solutions qui est proposée pour refinancer la station. Donc, la station est en crise, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'employés. Ça fonctionne seulement avec des bénévoles. D'ailleurs, moi-même, une fois par semaine ou deux, je viens à la Sequoia pour prendre des téléphones et envoyer des cartes d'amende aux gens. Donc, c'est important la mobilisation des membres. C'est important que les gens deviennent membres pour montrer votre intérêt à soutenir la station. Sequoia, ben, c'est une radio indépendante, c'est une radio communautaire. Alors, c'est grâce aux membres qu'on peut s'en sortir. Sequoia, c'est 25 ans de radio, actrice et témoin de la culture, de l'actualité et des luttes populaires. C'est une radio qui offre la voix à toutes sortes de choses, dont entre autres les jeux vidéo, les jeux de rôle, les jeux de grandeur nature, etc. Alors, il y a trois façons d'acheter votre carte de membre. SequoiaFM.org par Internet, ou en passant en personne au 600 Côte d'Abraham sur les heures de bureau, ou vous pouvez aussi appeler sur les heures de bureau 529-90-26 et vous pourrez devenir membre au coût de 20$. Excellent. Donc, ça vaut la peine pour Sequoia pour continuer à avoir des émissions de radio indépendantes comme celles que vous écoutez sur les ondes de 88.3 FM. Eh bien, c'est le temps de remercier tous les collaborateurs de Puissance Maximale aujourd'hui. Merci beaucoup, Andrew Castegan, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci, Vanessa, d'avoir été avec nous également. Oh, Vanessa est là, mais elle n'a pas parlé. Merci, François, d'avoir été à la console. Merci à toi, Vincent. Fait plaisir. Et bien, on souhaite une très bonne année 2011 en jeu à tous et à toutes et une très bonne semaine. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home.